Ézéchiel chapitre 25. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, tourne ta face vers les enfants de l'Amon, et prophétise contre eux. Et dis aux enfants de l'Amon, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez dit, ah, ah, contre mon sanctuaire, à cause qu'il était profané, et contre la terre d'Israël, parce qu'elle était désolée, et contre la maison de Juda, parce qu'ils allaient en captivité. À cause de cela, voici, je m'en vais te donner en héritage aux enfants d'Orient, et ils bâtiront des palais dans tes villes, et ils demeureront chez toi, ils mangeront tes fruits, et boiront ton lait. Et je livrerai Rabat pour être le repère des chameaux, et le pays des enfants de l'Amon pour être le gîte des brebis, et vous saurez que je suis l'Éternel. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as frappé des mains, et que tu as battu des pieds, et que tu t'es réjoui de bon cœur dans tout le mépris que tu as eu pour la terre d'Israël. À cause de cela, voici, j'ai étendu ma main sur toi, et je te livrerai pour être pillé par les nations, et je te retrancherai d'entre les peuples, je te ferai périr d'entre les pays, je te détruirai, et tu sauras que je suis l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que Moab et Séiron dit, voici, la maison de Juda est comme toutes les autres nations. À cause de cela, voici, je m'en vais ouvrir le quartier de Moab du côté des villes, du côté, dis-je, de ces villes frontières, la noblesse du pays de Beth-Jézimoth, de Baal-Méon, et de Kirjat-Ajim. Aux enfants d'Orient, qui sont au-delà du pays des enfants de l'Amon, lequel je leur ai donné en héritage, afin qu'on ne se souvienne plus des enfants de l'Amon parmi les nations. J'exercerai aussi des jugements contre Moab, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à cause de ce qu'Édom a fait quand il s'est inhumainement vengé de la maison de Juda, et parce qu'il s'est rendu fort coupable en se vengeant d'eux. À cause de cela, le Seigneur, l'Éternel, dit ainsi, j'étendrai ma main sur Édom, j'en retrancherai les hommes et les bêtes, et je le réduirai en désert, depuis Téman, et de Dever des dents, ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom, à cause de mon peuple d'Israël, et on traitera Édom selon ma colère et selon ma fureur, et ils sentiront ce que c'est que de ma vengeance, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, à cause que les Philistins ont agi par vengeance, et qu'ils se sont inhumainement vengés avec plaisir et avec mépris, jusqu'à tout détruire par une inimitié immortelle. À cause de cela le Seigneur, l'Éternel, dit ainsi, voici, je m'en vais étendre ma main sur les Philistins, j'exterminerai les Kérétiens, et je ferai périr le reste de leurs ports de mer. Et je déploierai sur eux de grandes vengeances par des châtiments de fureur, et ils sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai exécuté sur eux ma vengeance.